ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le retour au passé et l'engouement pour le patrimoine dans les années 1970 au Québec. Il y a vraiment un éveil qui s'est fait depuis une dizaine d'années, depuis 1960, 55-60, à ce patrimoine québécois. Et il y a de plus en plus de collectionneurs francophones. Et je pense qu'on découvre tout un monde. On est de plus en plus fiers de ses ancêtres et de son passé, surtout des réalisations de nos artisans passés. L'historien de l'art Michel Lessard à l'édition métropolitaine de l'émission Présent en 1971, l'année même de la publication de son Encyclopédie des Antiquités du Québec, un ouvrage qui est devenu un classique en son genre. Michel Lessard fait partie de ceux qui vont contribuer activement à la redécouverte et à la mise en valeur du patrimoine québécois dans les années 70, ces années 70 où le Québec redécouvre son passé avec passion. Famille un peu chez vous, ça. Oui, on aime ça. Pour avoir de l'antiquité dans une maison, il faut que tout le monde aime ça. Parce que franchement, des fois, la maison est un petit peu embarrassée. Ça fait que si les gens n'aiment pas trop ça, bien, ils disent bien, le ménage est à l'enfer. Mais avec tout ça, nous autres, on s'est bien organisé. Maintenant, vous avez sûrement des pièces rares. Disons, depuis 30 ans que vous vous en occupez, est-ce qu'il y a des pièces auxquelles vous tenez vraiment? Ah, certainement. On a un set de vaisselle qui est extraordinaire, qui date de 1850. Il vient du curé de Plinguay, de l'île du Pont. Et il a été curé de là, de 1850 à 1890. C'est toute une histoire, ce set de vaisselle-là. Et moi, je l'ai eu vers le 1960, à peu près. Ça fait une dizaine d'années qu'on l'a. Après ça, j'ai eu un gramophone à rouleau, une horloge grand-père. Ça, c'était les morceaux qui contiennent le plus. On ne veut pas vendre ça. La Marseillaise, par Monsieur Saussier. N'allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. C'est l'antiquaire de Berthier, Jean-Noël Sylvestre, le père de la comédienne Dominique Michel, que vous entendiez dans cet extrait de l'émission Femmes d'aujourd'hui, diffusée en 1970. Pour nous parler de ce phénomène d'engouement pour le patrimoine dans le Québec des années 70, je reçois Jonathan Livernois. Il est professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval. Jonathan Livernois, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. Alors, replongeons-nous dans ce contexte particulier des années 70. Qu'est-ce qui explique ce mouvement de retour au passé, ce regain d'intérêt pour le patrimoine à ce moment-là au Québec, Jonathan Livernois? Il y a plusieurs raisons, mais assurément, le fait que la modernité québécoise, la Révolution tranquille, a soufflé très, très fort, ça peut expliquer beaucoup de choses. D'abord, on a l'impression que la modernité québécoise qui se met en place pendant cette décennie-là, c'est beaucoup de modernité de béton. Hein? Autrement dit, des grands immeubles comme la place Ville-Marie, des autoroutes, on pense évidemment à la métropolitaine, à l'autoroute des Laurentides, hein, qui a été la première en 1959. Bref, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de rénovations, de réfections, mais surtout, il y a beaucoup de démolitions. Oui. On peut raser les quartiers complets, évidemment, pour donner la place à toute cette modernité de béton. On bien tourne vu, le dos au passé. À ce moment-là. Ben exactement, exactement. Et c'est bon, on a même pensé pendant un certain temps détruire la moitié du Vieux-Montréal, imaginez-vous, pour construire une autoroute. Alors, ça, c'est sur le plan, disons, de l'architecture, des biens, de l'immobilier, mais il y a aussi toute la question des idées, de la politique. À partir de 1960, on va vraiment verrouiller à double tour hein, le passé. Hein. On considère que c'est une grande noirceur et dans le fond, toute la période du Plessis qu'on voue hégémonie, ben là, finalement, cette période-là, on va l'extensionner sur tout le passé. Donc, tout le passé devient en quelque sorte dangereux, voire méprisable. Oui. Donc, on le met de côté, on le verrouille à double tour. Bon, évidemment, ça, c'est les années 60, mais qu'est-ce qui se passe dans les années 70? Bien, certains se posent des questions, notamment, est-ce qu'on est allé trop vite? Oui. Est-ce que nous avons rejeté trop de choses de notre passé? Et puis, au fond, est-ce que tout était mauvais avant 1960? Bon, on voit bien que plusieurs donneront des réponses à ces questions. N'empêche, dans les années 70, on peut assister à une sorte de freinage qui va justement s'accompagner d'un regard vers le passé. Et c'est justement l'importance donnée au patrimoine qui répond à ce besoin. Et n'oublions pas une chose, Jacques, le patrimoine est vu différemment dans les années 70, et c'est amusant de le constater, autant en France qu'au Québec. Il y a une redéfinition du concept de patrimoine. Alors, ce ne sont plus seulement les grands monuments, les églises, les manoirs, hein, ce sont aussi les plus petites choses choses. Oui. Les cuillères de bois, la petite maison de campagne, la maison d'ouvrier. Donc, il y a vraiment une redéfinition du patrimoine et on comprend que ça inclut tout plein de choses. Le patrimoine du quotidien, en fait, c'est ça qu'on redécouvre, voilà, aussi. D'où on vient, qui on était, comment on vivait. Puis donc, il y a ce mouvement où on se dit peut-être qu'on est allé trop vite, qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Et puis, oui, il y a parallèlement à ça une réflexion aussi qui s'amorce autour de ce nécessaire, peut-être nécessaire retour au passé. Le sociologue Fernand Dumont est probablement l'un des intellectuels qui incarne le mieux ce mouvement de réflexion-là. Il publie en 70 La Vigile du Québec. Quelle importance il va avoir, Dumont, dans ce mouvement justement de retour au passé qui est très, très présent chez les intellectuels québécois de cette époque, du début des années 70? Bien, Dumont est une sorte d'éclaireur, au fond. Hein? Et tout au long de la décennie, il va thématiser la nécessité de départager, finalement, l'ivraie du bon grain dans le passé québécois. Alors, pour lui, il est clair qu'on a vraiment jeté ce passé et qu'il faut y retourner. D'abord, une chose, hein, son essai, donc La Vigile du Québec, dont vous parliez, dans cet essai-là, il montre bien que la violence de la crise d'octobre est venue casser le mouvement des années 60, même son côté peut-être incantatoire, l'espèce d'innocence. Alors, ce retour-là est brutal. Et pour lui, l'important à ce moment-là, c'est de faire une sorte de retour dans le passé. Ah, il y a une image dans La Vigile du Québec qui est très importante. Dumont dit, je le cite, « Il faut faire un peu comme dans La Veillée de Néguerre où, pour conjurer la tempête qui grondait au dehors, les vieux nous narraient les souvenirs de leur passé. » Ouais. Donc, s'arrêter un moment, retrouver dans le passé québécois ce qui pourrait stimuler, appuyer nos combats d'aujourd'hui, ceux des années 70. Il dira aussi, hein, que le passé peut avoir valeur d'avenir, hein, c'est quand même important. Cette quête vers le passé prend toutes sortes de formes, je l'ai dit, et ça passe évidemment par un retour, mais un intérêt renouvelé pour le patrimoine. Hein, Michel Lessard, au tout début, parlait de 1955, oui, certes, mais l'intensité, ça, vraiment, là, la grande intensité, ce sont les années 70 qui nous l'offrent. Alors, c'est vraiment à ce moment-là que ça décolle le patrimoine. Et ça décolle de manière très palpable, très tangible, très, oui, concrète. Il y a des gens qui nous écoutent qui vont s'en souvenir, mais c'est vraiment la folie furieuse. C'est la période, la grande période des brocantes. Oui. On repart à la conquête de ce passé, de ce patrimoine qui nous ramène à notre passé. À quoi ça va ressembler, concrètement, cette frénétique chasse aux antiquités des années 70, Jonathan? Bien d'abord, on évoquait d'entrée de jeu Michel Lessard. Bien, son livre, l'Encyclopédie des Antiquités québécoises, se vend à plus de 100 000 exemplaires. C'est énorme, évidemment. Oui. Il y aura plein d'éditions. Alors, effectivement, Jacques, on rachète très souvent les antiquités que 10 ans plus tôt, on bradait. Hein, souvent, d'ailleurs, à des acheteurs américains. Je sais, chez mes grands-parents, notamment, les baratabeurs, tout ça, ça a tout disparu dans les années 60. Puis là, tout à coup, on a voulu se meubler en canadien, mais on les avait, ces meubles-là, 10 ans auparavant. N'empêche. Donc, il y a aussi cette espèce de volonté de tout décaper. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les fameux meubles canadiens, là, il fallait qu'elles soient au bois, retrouver une sorte d'authenticité. Alors que dans les faits, ces meubles-là étaient déjà peints à l'époque, mais on a vraiment cette soif d'authenticité, de retour au passé, et même le mouvement de décapage incarne ça à certains égards. Bon, évidemment, le marché, l'économie suit le mouvement. La publicité aussi. Les compagnies de bière sont toujours très révélatrices de la période, notamment la compagnie Labatt qui va distribuer de petits livrets sur les familles canadiennes-françaises, hein, parce qu'il y a aussi l'engouement pour la généalogie. Oui. Mais il y a aussi cette fameuse série dont vous vous souvenez peut-être, On est 6 millions, faut se parler, oui, hein, qui était une série de publicité très importante dans les années 75-76. Au fond, le concept était très simple. Hein, on voyait des Québécois se retrouver, se parler, s'entraider. Ben, évidemment, on se retrouve dans une des publicités, dans une brocante, dans une sorte d'encan, on voit un jeune couple, donc tout heureux d'acheter sa première commode, à un prix évidemment dérisoire. Et là, tout à coup, on voit un homme qui se présente comme Guy Joyal et qui déclare lui-même aimer les antiquités. Il les aide donc à prendre la commode et la monter dans la fourgonnette. Alors, voyez, c'est ça le Québec, et sans doute qu'après ce moment, on pourra partager une bonne Labatt 50, vous l'aurez compris, bien sûr. Ben voilà. Cette chasse aux antiquités, aux vieux objets, aux vieux meubles, ça s'accompagne aussi, puis ça fait partie de cet engouement autour du patrimoine, ça s'accompagne de ce combat pour la sauvegarde du patrimoine bâti, parce que là aussi, Jonathan Livernois, on est allé très, très loin. Il y a des images d'horreur de très, très belles maisons ancestrales qui avaient été refaites au goût du jour. Puis à une certaine époque, le goût du jour, c'était d'effacer toute trace du passé, toute poutre de bois, de faire tout ça en beau gypse et en belle mélamine. Oui. Ça a été ça, à une certaine époque. Oui. Là, on se dit non, on est allé trop loin et on est en train de détruire du patrimoine bâti important et intéressant. Oui, il y a vraiment une prise de conscience de la fragilité du patrimoine bâti. Et dans les années 70, la presse se met de la partie. Par exemple, en 75, le journal Le Jour, qui est associé au Parti québécois, va proposer une vaste opération qui s'intitule SOS Patrimoine. Au fond, on demande aux lecteurs d'identifier des maisons anciennes, de les prendre en photo, au fond, de faire une sorte d'inventaire, ce que le gouvernement n'a pas encore fait à cette époque. Donc, de connaître l'état de ce patrimoine, sa décrépitude, ou peut-être certains bons coups aussi. Et là, se multiplient dans les journaux, comme Le Devoir, la presse, ce qu'on peut appeler des chroniques patrimoniales. Donc, on parle des bons coups, des gens qui achètent de vieilles maisons, qui les retapent. On parle aussi des coups, de certains coups du gouvernement. Hein, on parle de l'incurie gouvernementale aussi par moment, parce qu'il y a plusieurs choses qui ne se font pas. Bref, c'est très présent dans les journaux. Une chose qu'il faut noter aussi, c'est à l'époque le patrimoine urbain. C'est plus difficile le patrimoine urbain. Hein? Vous savez, Jacques, le premier plan d'urbanisme de la ville de Montréal, c'est dans les années 90, après Jean Drapeau. Incroyable. On comprend que... Oui, c'est fou. Donc, imaginez que le patrimoine urbain, ben, il est un peu laissé de côté. Et Jean Drapeau est peu sensible à ces questions-là, peu sensible aux questions de patrimoine ouvrier. Quelques exemples, hein? En rafale, il veut faire raser les immeubles ouvriers, une belle série d'immeubles sur la rue Saint-Norbert, là, tout près de l'actuel cégep du Vieux-Montréal. Oui. Et il va le faire en disant qu'il y aura là une cour de voirie alors que le terrain est en pente. Et il n'y aura jamais de cour de voirie, mais 20 ans plus tard, des condos. Alors déjà. Il y a d'autres choses aussi. Vous savez, le Square Saint-Louis, qui est mythique, qui dans les années 70 a l'air un peu d'une espèce de quartier de Brooklyn un peu déglingué, avec des belles maisons victoriennes, mais qui ont besoin d'amour. Bon, ben qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire du neuf et on propose de construire les habitats du Square Saint-Louis, donc des grandes tours. Mais les habitants qui sont là, un peu de la bohème, évidemment, on pense à Pauline Julien, on pense également à Gaston Miron, vont s'en mêler et il n'y aura pas de grandes tours. Et le plus flamboyant, peut-être, c'est la destruction annoncée, la démolition annoncée de la prison du Pied-du-Courant, qui est pourtant maintenant emblématique. Oui. En 72, ça ne pose pas problème, on va la démolir parce qu'il faut construire la voie rapide. Mais là, certains s'y opposent et il y a même un manifeste dans Le Devoir, le 2 décembre 1972, qui s'intitule « Pour la sauvegarde des biens culturels ». Et là, c'est signé par à peu près tout le monde, hein, pour le dire vite, de Denis Arcand à Rina Lagny. On est de l'un à l'autre, là, c'est un bel éventail, disons, de personnalité. Et on dit très clairement, je les cite, « Pourquoi démolir la prison des Patriotes? Parce qu'elle est gênante pour l'autoroute seulement, qui peut toujours passer à côté, ou pour les pouvoirs qui souhaitent faire oublier les événements qu'elle rappelle. » On parle bien des Patriotes, mais on parle aussi, 2 ans plus tôt, de la crise d'octobre, parce qu'il y a une autre prison juste à côté qui s'appelle Parthenay, où ont été enfermés les prisonniers, pardon, c'est un bel exemple. En 1970. Parce que ça montre encore une fois que ce patrimoine bâti, c'est plus que un simple édifice. Il y a un sens. Exactement. Tout ça, c'est ce sens-là qu'on veut retrouver. Voilà. Ouais. Vous voulez bien m'écouter, pas ça pour critiquer, vous pouvez bien me juger, ce sera la vérité. Je vois avec aujourd'hui, c'est pas la même chose, mes amis. Bien du changement, c'est pas comme dans l'ancien temps. Il y a bien du changement, c'est pas comme dans l'ancien temps. Les pays partaient en voyage. Alors, ce mouvement de retour vers le passé va aussi, on l'entend, trouver sa place en musique avec l'apparition de nombreux groupes de musique folklorique dans les années 70, dont le célèbre groupe La Bottine Souriante. On vient d'entendre un extrait de la chanson « Il y a bien du changement ». Quelle place ça va occuper, cette musique traditionnelle, dans les années 70, Jonathan Livernois? Bien, c'est une grande place, évidemment. On pense aux nombreux groupes folkloriques, beaucoup de la région, notamment de la Naudière, comme la Bottine Souriante, qui existe toujours d'ailleurs. Mais on pourrait parler du Rêve du Diable, de groupes aussi acadiens comme 1755. Il y aura aussi Garou Loup. Donc, c'est très présent, ce retour dans le passé, dans les textes du passé. Mais c'est pas seulement là. Hein. La musique du passé, d'antan, elle avait trouvé sa place, notamment chez des chanteurs très modernes, comme Robert Charlebois, hein, qui intégrait le violoneux, lumineux Philippe Gagnon dans ses chansons. On pense à Dolores, notamment, et à plusieurs autres. D'ailleurs, en 71, ce Philippe Gagnon lance avec un autre violoniste, Dominique Tremblay, un album qui s'intitule « Ça roule ». Et pour eux, il y a une prétention. On veut faire ce qu'on appelle le « Eastern Sound ». Pourquoi? Ben, il y a le « Western Sound » et ils avaient rencontré dans une longue tournée Janis Joplin et celle-ci leur avait dit « Vous devriez faire le Eastern Sound. » Et ça, ce Eastern Sound-là serait une espèce de mélange de rock et de folklore québécois. Au fond, ce que représente à certains égards Robert Charlebois et d'autres. Donc, cet album-là est vraiment intéressant de ce point de vue. Alors, ça devient quelque chose de très inventif qui concilie justement le passé, le présent et plusieurs influences. Ouais. On en retrouve des traces partout, évidemment. On pense à Plume la Traverse avec son Grille de la Casa hein, sur l'album All Dressed. Ou encore, le groupe moins connu, peut-être plus expérimental, Conventum, qui va composer un reel, le reel des élections, pour un film consacré à la victoire du Parti québécois en 1976. Donc voilà, grande présence de tout ça. Eh bien, ça nous permet, ce que vous venez de dire, de parler justement de l'élection du Parti québécois en 1976 et du monde politique qui, évidemment, va aussi prendre ce virage patrimonial avec l'élection du Parti québécois en 1976, mais même avant, sous les libéraux de Bourassa, de Robert Bourassa, parce qu'il y a une loi qui va être adoptée, une loi importante, la loi sur les biens culturels en 1972. On écoute à ce sujet la ministre des Affaires culturelles de l'époque, Claire Kirtland-Casgrain, qui répond aux questions de Paul-Émile Tremblay à l'émission Format 30 en juillet 1972. Alors, Madame le ministre, cette loi va plus loin que les anciennes lois dont le but était de protéger les trésors artistiques du Québec. De quelle façon va-t-elle plus loin et jusqu'où va-t-elle plus loin? Elle va plus loin parce que, effectivement, l'objet est de conserver les biens culturels du Québec, mais en évitant qu'on les disperse, qu'on les aliène, qu'on les vende, qu'on les dégrade de quelque façon en négligeant les réparations qui pourraient s'imposer. Effectivement, c'est une loi qui contient des mesures incitatives et également punitives. On sait qu'il y a une amende considérable si on ne respecte pas les obligations de certains articles de la loi, mais il y a également une incitation dans ce sens qu'il y a certaines subventions qui peuvent être accordées. Et également, pour les biens immobiliers, il y a une réduction de taxes foncières dans le cas de classement de monuments historiques. Nous avons eu dans le passé, entre autres, je pense à la loi des monuments historiques, il y a eu la loi de l'île d'Orléans, il y a la loi de la place royale. Ces lois-là, on s'en est rendu compte dans la pratique, n'ont pas toujours pu répondre aux besoins du moment. Il y aurait beaucoup d'exemples à donner, entre autres, puisque nous sommes à Québec même. Il y aurait énormément pour une bonne raison, c'est qu'elle n'avait pas, si vous me permettez, elle n'avait pas dedans, il n'y avait pas de mesures punitives. Et on ne donnait pas à la personne responsable les moyens de mettre en vigueur les lois existantes. Mais même que là, les mesures qu'on lui accordait n'étaient pas suffisantes pour protéger le patrimoine culturel, des biens culturels du Québec. Quelle importance elle va avoir, cette fameuse loi de 1972, Jonathan Livernois, et plus largement, de quelle manière va s'exprimer politiquement cet engouement pour le patrimoine dans les années 70? Bien, cette loi remplace celle de 1922, donc elle a 50 ans, cette loi, et elle parle surtout de monuments historiques. Hein? Je le disais d'entrée de jeu, on redéfinit la notion de patrimoine, et ça inclut maintenant les églises, les monuments, certes, on le sait, mais aussi, hein, je cite l'ethnologue Jean Simard à ce propos, tous les aspects de la culture matérielle. Donc, ça, c'est très important, on redéfinit le patrimoine. Oui. Également, on se propose à ce moment-là de faire un inventaire de ce patrimoine, ce que le gouvernement suivant pourra, ou en tout cas entamera. Par contre, intéressant pour ce premier gouvernement Bourassa, c'est en 75 l'initiative des Semaines du patrimoine. Donc, c'est une semaine pendant laquelle il y a des expositions, des circuits touristiques à travers le Québec, des séances d'artisanat, des spectacles folkloriques. Bref, ça anime en quelque sorte la période autour de la fête nationale. En juin 78, même la presse rappelle que les activités de cette fameuse Semaine du patrimoine répondent, je cite, au thème du retour aux sources axé dans une perspective de présent et d'avenir. Ça résume parfaitement notre propos. Le Parti québécois arrive en 76 et lui aussi vraiment incarne cette espèce de retour, cette conciliation du passé et du futur. Gérald Godin, dont on a déjà parlé ensemble et que je fréquente beaucoup ces temps-ci, disait quelque temps après son élection, je le cite, « Je pense que l'avenir du Québec est dans l'artisanat et dans les solutions artisanales, c'est-à-dire celles qui viennent de la tête du monde, qui sont simples, qui sont moins coûteuses que les édifices de béton. » Effectivement, hein, c'est la modernité de béton contre laquelle on s'inscrit. Et bien voilà, un bel exemple. Godin dit « Les solutions, elles sont beaucoup plus artisanales que faites en béton. » Voilà. Cela dit, ça ne durera pas, ce bel engouement. En tournant les années 80, l'engouement pour le patrimoine commence à s'essouffler. C'est le moins qu'on puisse dire. On écoute d'ailleurs à ce propos, vous allez voir, un extrait assez amusant du Bye Bye 1980. Cher Bernard, je m'appelle Annick Picra et j'ai 8 ans. Je ne suis pas sûre que tu existes, car mon papa fait rien que dire que tu es un concept capitaliste pour faire acheter des cochonneries. Je t'écris quand même, car c'est à propos de ma mère que je te parle. Je ne sais pas si c'est elle ou toi qui m'a donné pour Noël le toutou en terre cuite, la poupée en corde brune et le gros bloc en bois, même pas peinturé. Mais si jamais je n'ai pas mes patins à roulettes disco et ma calculatrice de poche pour le matin du jour de l'an, je te promets qu'à l'année prochaine, je vais faire sauter le salon des métiers d'art. À bientôt, Annick Bigra. Assez, c'est assez. Oui. C'est amusant ce qu'on vient d'entendre, mais c'est vrai que c'est ce qui se passe. Là. Il y a un moment donné, on tourne la page. Dans quel contexte ça se termine, cet engouement pour le patrimoine québécois? Bien, déjà 1980, c'est très révélateur. Hein? C'est la défaite du oui, très certainement, qui peut expliquer, ou en tout cas, contribuer à expliquer une sorte de volonté de sortir du passé québécois. Hein? La défaite amène, à certains égards, une telle chose. Bon, bref, c'est une blague maintenant, l'engouement pour le patrimoine. On a entendu un extrait du Bye Bye, mais on aurait pu aussi aller voir la revue Croc, hein, qui se moquait de ces fameuses chroniques patrimoniales dont je parlais il y a un instant, et qui s'amusait à décrire un duplex de Nouveau-Rosemont, influence Montréal-Nord, comme une chose extraordinaire. Donc, on voit bien, là, on en est rendu là. Aussi, les années 80, on se réoriente vers un certain futur. Et le futur va beaucoup se conjuguer, évidemment, au néolibéralisme, à la culture états-unienne. Hein. La petite fille parlait de disco, calculatrice. Ça le dit bien. Et n'oublions pas, c'est un fait important à mentionner, les ventes de musique québécoise baissent de 80 % à cette époque, au début des années 80. Alors, il y a vraiment une volonté là, de fermer cette porte des années antérieures. N'empêche, le patrimoine, lui, reste sur place et il se détériore. Encore aujourd'hui, évidemment, on en parle beaucoup, mais n'empêche, on n'en parle peut-être pas suffisamment. Et il ne faut pas répéter donc ces erreurs du passé, malheureusement. Et c'est toujours un danger, très certainement. Jonathan Livernois, sur ces sages paroles, je vous remercie de votre participation à l'émission. Professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Jonathan. Merci Jacques, au plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.